Jacob se tient devant Pharaon, un berger face au trône du monde, et il bénit sans trembler la puissance, comme un témoin des choses profondes. La famine sert toute la terre, les champs se taisent sous la peur. Joseph organise le salut du peuple au prix de l'or, du bétail, de la sueur. Même dans la crise, tu fais naître des structures de vie. Même dans la pénurie, même dans la faim, tu fais survivre, tu transformes les saisons du manque en chemin pour conduire. Même dans la pénurie, tu gouvernes, et même les royaumes s'inclinent, car ta sagesse dépasse nos crises, et ta main verse les famines. Israël s'établit en Goshen, la bénédiction fleurit encore, et Jacob approche de la fin. Sous ton regard plus fort que la mort, demande que ses os reposent dans la terre que tu as jurée. Car même au seuil de l'éternité, la promesse doit rester enracinée. Les royaumes s'inclinent, car ta sagesse nourrit ton peuple, et ta main traverse les famines.